Premier temps d'une semaine raccourcie de trois éléments, de trois émissions de la Fabrique de l'Histoire consacrées au cinéma italien et au cinéma italo-américain. Demain, avec Séverine Attar qui a préparé cette semaine avec nous, nous nous promènerons dans l'exposition Scorsese de la Cinémathèque française à Paris en compagnie d'une historienne, Caroline Douki, et du commissaire de cette exposition. Jeudi, nous débattrons du rapport à l'histoire de Pier Paolo Pasolini à l'occasion des 40 ans de sa disparition. Et aujourd'hui, nous vous proposons un réjouissant documentaire de Séverine Attar et de Séverine Cassard sur la création, au milieu des années 70, du Festival du film italien de Villerue en Lorraine, ou comment une équipe d'usagers de la MJC de Villerue a inventé un grand festival de cinéma animé par des bénévoles, invités au culot réalisateurs et acteurs italiens et permis même à une région économiquement sinistrée de regarder ses origines avec fierté, avec les témoignages de Daniel Brachetti, Philippe Maillet, Jean-Paul Menichetti, Bernard Reiss, Oreste Sacchelli, Jean-Louis Sognoni et René Tosello. Une émigration au miroir des écrans, le festival du film italien de Villerue en Lorraine, c'est jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire ce matin. J'ai la programmation du premier. Je crois que c'est un document hyper rare, le 1900, Bertolucci. Drame de la jalousie. Et Torrescola. Oui. Violent première page, Bellocchio. Confession d'un commissaire de police au procureur de la République, Damiano. Les mille et une nuits de Pasolini, les damnés de Visconti, la classe ouvrière va au paradis, Elio Petri, le désert rouge d'Antonioni, Mimi Metallo blessé dans son honneur, fantastique, fantastique de Wertmüller. Il y a des passages cultes. La carrière d'une femme de chambre de Dino Risi, Pain et chocolat de Brusatti, Nous nous sommes tant aimés de Torrescola, et puis voilà. C'était la programmation de l'époque. Per l'elezione! Ma che per votare piede volete ci vanno, porca miseria! Io non so, chiesto che se deve votare, come si chiama? Ma sei veramente cretina! Sono sei mesi che Don Calogero fa sua parola. Si impegnò con ragioniere Cannamozza. Io non capisco. C'était un public, disons, bon enfant, qui était heureux dans ces années-là de se trouver à Villerue, dans une période où, justement, voilà, il y avait toute cette crise d'insurgie. Mais c'est peut-être ça aussi qui avait fait le succès du festival. On se trouvait dans une période de crise de l'insurgie lorraine. À Longwy, il y avait Radio Lorraine Cœur d'Acier, et à Villerue, il y avait le Festival du film italien. Donc c'était un peu le phare résistant par rapport à cette situation de crise. Documenti. Ecco subito, signor commissario, prego. Permessati la foto. Io ho dato tutto, col passaporto. Come ti chiami? Garofoli Giovanni, innocente. E italiano. Nessuno è perfetto, signor commissario. Une émigration au miroir des écrans. Le festival du cinéma italien de Villerue. Monsieur Oreste Sacchelli, délégué artistique du Festival du film italien de Villerue. Oreste, tu as le micro. Bonsoir. S'il fallait une preuve qu'il est nécessaire d'avoir une nouvelle salle plus grande, je crois que le monde qui est debout en est la preuve vivante, on peut dire, et donc on espère évidemment très prochainement pouvoir réaliser l'inauguration du festival dans un autre lieu, même si celui-ci est très emblématique. Et c'est toujours avec une grande émotion qu'on ouvre le festival. Et nous avons sélectionné ce que nous avons trouvé de meilleur, évidemment. Nous avons découvert des perles par nous-mêmes, nous en avons découvertes d'autres à Cannes, d'autres à Venise. Nous avons parcouru toute l'actualité italienne afin de ramener ici le meilleur du cinéma italien de ces deux dernières années. Et alors, évidemment, je ne peux que penser à tous les bénévoles qui se sont succédés depuis 38 éditions et qui ont fait que le festival est ce qu'il est et ce que nous allons essayer de faire en sorte qu'il continue à être. Il y a plein de très belles choses à découvrir. Nous en sommes très fiers, un petit peu, forcément. Bonne soirée. Villerue se situe au nord de la Meurthe-et-Moselle, à quelques kilomètres des frontières luxembourgeoises, allemandes et belges. Durant la première moitié du XXe siècle, de nombreux paysans, venus de Lombrie et des Marches, se sont installés dans la région pour chercher l'Eldorado en plein cœur de ce pays haut, au climat sibérien. L'identité de cette cité se construit alors progressivement entre l'histoire de l'immigration italienne et celle du mouvement ouvrier, à travers son industrie minière et sidérurgique. Une industrie extrêmement florissante jusque dans les années 1960, puis démantelée la décennie suivante avec la disparition des hauts fourneaux. Alors que la ville s'éteint peu à peu, les enfants de Villerue, passionnés d'Italie et de cinéma, créent leur festival, en revendiquant alors des racines que leurs parents avaient toujours voulu nier. La manifestation, organisée avec les moyens du bord, rencontre auprès de la population un succès immédiat, transformant Villerue en une capitale du cinéma italien en France. Si vous voulez, il y a deux choses à prendre en compte. Le premier, c'est qu'une maison déjeuner de la culture est créée par la ville. Elle se met à être extrêmement fréquentée. Jean-Paul Menichetti. Et les activités culturelles de tout type foisonnent. Exemple, il y a des gens qui font de la danse, des gens qui développent des photos, des gens qui font du théâtre, des gens qui font de la diffusion de ciné-clubs et des gens qui font divers films. Moi, parallèlement, dès l'âge de 14 ans, je deviens apprenti opérateur projectionniste dans deux des quatre cinémas de la ville, avec mon petit bulletin de salaire tout en allant à l'école et en voulant absolument beaucoup plus que mon bac, en voulant absolument avoir ce CAP. Il y avait à l'époque un petit groupe, je pense à mon frère surtout, qui avait 2 ans moins que moi. René Tozzello. Ce petit groupe-là, plein de vie, se retrouve au collège et je me rappelle très bien, ils aimantaient avec un prof de français, Antigone, et je les vois encore sur la scène. Donc il y avait quelque chose comme une envie d'adhérer à ce petit groupe. Et il y avait ce Menichetti qui était là, c'était un vrai personnage, hein. Il y avait un autre personnage qu'il ne faut pas oublier dans cette affaire, c'est Michel Musage, c'était le monsieur ciné-club de la MJC. Donc ces deux personnages tiraient vers le haut en termes de théâtre, Menichetti sur le cinéma. Donc on était sur une autre filière d'éducation populaire et en même temps de création. Et c'est avec beaucoup d'envie qu'on se retrouvait là et justement à se piquer de parler de français correctement, à aller chercher des idées, à réfléchir, dans l'insouciance et la conscience de l'adolescence et de la jeunesse. Je suis issu de milieu ouvrier, donc j'ai fait l'apprentissage à l'usine de Michel et j'ai eu mon CAP. Daniel Brachetti. Quand j'avais 18 ans, je me suis intéressé à la photo. Et comme à la MJC, il y avait un club photo qui était en déshérence, je l'ai repris de mes propres mains, j'ai refait le labo plus le studio. Et c'est à partir de 67 que j'ai connu Jean-Paul, qui hantait les salles de projection de la ville de Villerue, comme dans Cinéma Paradiso. C'était un dingue de films de cinéma, et il voulait concrétiser ce qu'il projetait en faisant de la réalisation. Et c'est comme ça qu'on a commencé à collaborer ensemble, lui en tant que réalisateur et moi en tant que caméraman. On a fait un premier film qui s'appelait L'Impasse, un film de 8 mm avec les moyens du bord parce qu'on n'avait aucun matériel, il a fallu pêcher du matériel à droite et à gauche. Et ce premier film, par exemple, L'Impasse, vous le projetez où ? À la MJC, le public de jeunes qui avait participé à les réalisations, puisqu'il y avait une dizaine d'acteurs qui étaient issus de la troupe théâtrale, donc il y avait une troupe théâtrale chez nous. L'adolescent Jean-Paul, qui a 16 ans, loue pour son compte une caméra 8 mm. Vous savez, c'était des caméras à ressort pour faire ses propres petits films et ses propres petits montages. C'était vital pour moi. jusqu'à ce qu'on démarre avec les copains de la MJC un premier moyen métrage qui s'appelle Castagnette et Tango. Alors c'est quoi, oui, Castagnette et Tango, Jean-Paul Menichetti, ce premier film, qu'est-ce qu'il raconte ? Comme d'hab, à savoir des histoires de jeunes ouvriers, genre 18 balais, une histoire d'amour là-dedans où l'un trompe sa copine avec une autre très belle femme. Voilà, et ça se termine pas bien. Donc, histoire d'ado, mais dans un milieu d'ouvriers. Le film Castagnette et Tango a été présenté et projeté au Havre, à Paris, Avignon, Aix, Toulon, etc. On a eu quand même le bénéfice à l'époque du matériel de la municipalité qui avait une 16 mm, une Bolex Paillard manuelle, donc il fallait remonter à la manivelle donc, pour pouvoir filmer. Donc, d'un autre côté, donc, la municipalité avait des relations avec donc, RTL Télévision, hein, dont les studios se trouvaient au Luxembourg, à 30 km de chez nous. Donc. Bon, après, donc, on a eu des relations avec une société parisienne qui s'appelait le Crépax Copcolor, qui était donc dirigée par Roger Louis, qui était un des producteurs de 5 colonnes à la une. À partir de là, donc, ça a été... Donc, C'était parti. Donc, on faisait d'autres productions. Donc, on a travaillé avec en direction des collèges, avec les enfants. On travaillait en relation avec les jeunes ouvriers. Donc, Et Daniel Brachetti, alors, vous avez cette passion tous du cinéma, faire des films. Et donc, vous avez trouvé cette idée de faire un festival pour, en fait, gagner de l'argent pour pouvoir tourner des films. Donc c'est venu d'une manière naturelle dans la mesure où donc en plus du cinéma, nous on s'occupait aussi du ciné-club donc à la MJC. Donc on a passé tous les classiques, hein, donc Potemkin, La Grève, Nosferatu de Karl Dreyer, donc et les films de Fritz Lang. Et ça marchait. Et ça marchait. À l'époque, il y avait donc le collège qui venait d'être ouvert à Villeroy, donc il y avait plein de jeunes professeurs qui étaient là, qui le soir donc s'occuper aussi, donc c'est, ça fait que donc ils sont devenus des copains, ils ont travaillé, œuvré avec nous, donc. Quelques mois avant le festival italien, parmi d'autres qu'on avait fait, des petits sans prétention. Jean-Paul Menichetti. Il y a un festival du cinéma fantastique qui connaît un succès en une salle. J'ai réussi à convaincre mon patron de me louer sa salle et qui a eu un énorme succès et puis qui nous a à me dire il en faut un autre et moi j'ai proposé... Alerté par Jacques Baccarini, un de mes autres copains, il m'a dit « Écoute Jean-Paul, il y a des trucs en Italie, parce qu'il était très souvent en Italie, Jacques Baccarini, parce que sa famille habite là-bas. Moi aussi, j'avais ma grand-mère là-bas, mais j'allais moins souvent. Lui, il y était toutes les vacances. Il m'a dit « Jean-Paul, il y a une production, ça a tombé par terre. » Et je lui ai dit « Écoute, on démarre, on fait un festival du film italien. » Et là, démarre l'aventure, à savoir... chercher des films et un endroit pour le faire. Mois d'août à la MJC, on était deux, je crois, il y avait Menichetti et René Tosello. On avait en programmation Sacco et Manzetti. Le distributeur dit vous ne pouvez pas l'avoir. Et c'est là où, encore une fois, Menichetti a un trait de génie parce qu'il lui dit mais vous avez la deuxième partie 1900 de Bertolucci qui sort à Paris. Pour notre festival, on voudrait l'avoir. Le gars dit mais qu'est-ce que vous avez derrière vous ? Et Menichetti dit RTL. RTL, ici, qui rayonnait en termes de télévision. C'était la seule télé qui faisait parler un peu d'italien le dimanche, avec Buona Domenica. Alors, vous venez chez moi, voir, on discute à Paris. Et je vois mon Menichetti partir, je lui dis, fais attention à comment tu t'habilles, etc. Encore, J'y vais au culot, je monte à Paris. Le film n'était pas sorti en France. Je venais d'un trou, excusez-moi l'expression, mais pourri, plein de fumée. où les ouvriers travaillent 3 fois 8, font les 3 postes, jour et nuit. Je suis d'une MJC, même pas d'un cinéma, je suis rien. Le type me rit au nez. J'avais fait préparer par la secrétaire un petit plan de promotion pour le Luxembourg, la Belgique et la région Lorraine, en disant « je peux vous faire ça si vous voulez, mais je voudrais le film avant qu'il ne sorte en France ». Et j'ai obtenu 1900 gratuitement, mais il m'a dit « je vous revois à Paris, je veux la preuve de votre plan de promotion ». Et dès la première année, on présente ce grand film de Bertolucci, Robert De Niro, Gérard Depardieu. Et ça, j'avoue que des années après, c'est ma grande fierté. Senti. Non, senti. Ecco che arrivano. Senti che arrivano. Sì, stanno arrivando. Eccoli. Guarda. Et c'était magique. Nous qui voulions faire un petit festival chez nous, tranquille, nous voilà avec des voitures dans tout Villerue. C'était impressionnant. Et puis, bien entendu, j'ai une petite pensée pour toute ma famille, parce que mon frangin, mon frère, était trésorier. Ma sœur s'est occupée des caisses, mon beau-frère s'est occupé de la projection, ma femme s'est occupée de la publicité, ma belle-sœur s'est occupée de l'accueil des stars, etc. Ça a été... Mais vraiment, j'avais tout le monde qui m'a suivi chez moi. C'était... Alors, il n'y avait pas que ma famille, il y en avait d'autres. Hein. Il y avait tout un aéropage de jeunes qui nous suivaient et puis qui ont adhéré. C'était magique. L'édition 76 commence dans l'hôtel de ville un mercredi, dans l'hôtel de ville de 1000 places. Mais le samedi, il y a le bal des majorettes ou de la Croix-Rouge qui est prévu par le comité des fêtes. Il n'est pas question que le festival ait lieu. Donc on utilise une salle des fêtes patronale de l'usine abandonnée depuis longtemps. On la restaure comme on peut. On met des sièges, un écran, un projecteur et un immense poêle à mazout dont le tuyau remonte à l'extérieur sur la toiture. Et on a regardé le film Le Grand Silence de Sergio Corbucci dans une odeur de fioul, dans un écran semi-opaque qui n'est pas dû à la neige, le film se déroule dans la neige, mais qui est dû à la fumée du fioul. Mi arrendo! Non mi ammazzare, silenzio! Non darò più la caccia a un bandito in vita mia, nemmeno se avesse sulla testa una taglia da $1,000,000. Te lo giuro! Maledetto! Le mie mani! Mi hai massacrato le mani! On a enfumé tout le monde! Mais c'était content, le public a dit. Le public marchait, donc on avait plus de 7000 spectateurs, donc plein d'argent, donc ça nous a permis d'acheter du matériel, de continuer à faire des films. Donc, Et là, folie absolue, 7000 personnes, tous des ouvriers et des femmes d'ouvriers et des grands-mères. On le voyait à la tenue, les grands-mères à l'époque étaient habillées en noir, avec un fichu. Eh bien, toute cette population se rue en masse sur cette première édition, uniquement italienne, y compris des Italiens venus du Luxembourg, et comme je l'avais promis à United Artists, des spectateurs venus de la Belgique, et le Républicain Lorrain, le journal régional, qui nous a donné un coup de main en une. Et puis tout de suite, on a mis en place, dès 76, avec des mamans italiennes volontaires. Dans l'hôtel de ville, il y a une cuisine professionnelle. Elles se sont mises à faire à manger. On a dit parce qu'il faut bien qu'on nourrisse les gens le soir. Et là, la tradition folle de notre cuisine s'est également répandue comme de la poudre. Entre autres, la pizza, la pasta, qu'est-ce que vous... Il y avait tout ça. Ecco, era la pasta, signore. Pomodoro, a viva la Ensuite, il y a eu fusion entre toute la communauté. Par exemple, les ouvriers qui étaient postés, c'est-à-dire qui faisaient les 3-8, s'échangeaient leur tournée parce qu'ils allaient arrêter tel film. Donc, avec leur contremaître, ils disaient « Est-ce que je peux échanger ma tournée parce que j'ai tel film ?» Et puis, ça a duré pour les autres éditions. C'est devenu de plus en plus important. Donc, c'était hystérique, solidaire, chaleureux. Les gens attendaient 3 quarts d'heure avec un plateau pour pouvoir manger. Mais aujourd'hui, vous cassez la tête au restaurateur si au bout d'une heure, il ne vous a pas servi. À l'époque, tout bonhomme, les gens rigolaient. Il s'est passé un phénomène culturel que jamais, hein, nous n'avions prévu, même si notre ambition était haute. C'est la population qui a répondu à notre ambition. Ce festival a quelque chose de bien, c'est que malgré l'inconfort des salles, il draine une population qui a perdu l'habitude d'aller au cinéma à cause de la télévision, justement. Moi, ce que je vois, c'était vraiment des beaux films et je vous remercie de me donner l'occasion de voir des beaux films comme ça. Qu'est-ce que ça présente pour vous, ce festival? Festival de Villeneuve? C'est formidable. J'ai pris une semaine de congé exprès pour aller le voir. Malgré qu'on n'a pas les moyens, mais on fait mot impossible pour aller. C'est une mairie communiste? C'est Sacconi, hein, le maire, lui aussi, fils d'immigrés italiens, voilà, arrivé en 1959 à la tête de la mairie de Villerue. Figurez-vous que le festival de 1976 n'a pas été bien vu par le président du conseil d'administration de notre MJC. Il était le premier adjoint du maire. Il trouvait qu'on était un peu, entre guillemets, foufou et pas fiable. Donc il a dit « Je ne veux pas que ce festival ait lieu ». Et comme il était hors de question qu'on reçoive des subventions, nous avons fait un prêt à la banque, parce que la ville ne voulait rien entendre, contrairement à ce qu'on pourrait volontiers imaginer. Elle a immédiatement, vous imaginez, changé de fusil d'épaule. Dès 1977, la seconde année, où là, j'ai été sommé, le maire m'a convoqué, il me dit « tu me refais une seconde édition ». Et là, il y a une négociation entre lui et moi. Je dis « d'accord, mais vous me donnez quoi ?» Lui, il me tutoyait, moi je le voyais, je l'appelais monsieur, pas monsieur le maire, monsieur Sacconi. Il me dit « qu'est-ce que tu veux ?» De l'argent, j'en ai pas pour l'instant, et puis j'ai su que vous en avez gagné. Si je te dégage la salle des fêtes le samedi soir, qui est une salle à l'époque qui faisait 1000 places, je te mets tous les services techniques à ton service. Est-ce que le deal te va? Je dis ok, ce deal me va. Politico. Squartatore. Oh. Pasquale Vravoli. Il mostro di Napoli. Totale infermità di mente. 12 anni. Beato lei. Io invece 28 anni e 4 mesi. Ah, siete antifascista. Socialista. Moi j'arrive à 22 ans. Ici, c'était la fin du mois d'août. Et je, dans la salle de danse, il y avait 2 tables et des gens autour de cette table. Philippe Maillet. Et il y a quelqu'un qui se lève et qui me dit « On ne veut pas de directeur d'MJC ici, on n'en a pas besoin ». Et donc c'était le groupe du Festival du film italien qui préparait la 2e édition. Et moi je suis ressorti de l'entretien en me disant « Il y a quelque chose ici ». Moi je viens de la banlieue parisienne, des grands ensembles du 93. Et quand je suis arrivé ici, moi j'ai trouvé ça très beau. Ces bandes de maisons sur les courbes de niveau, cette ambiance très populaire, je me sentais un peu chez moi, quoi, à vrai dire, lors de ce passage du mois d'août. Et je me suis dit « Bon, voilà, ils ont eu une mauvaise expérience avec le précédent ». J'ai pris le poste. Mais c'est vrai que j'avais pas de pratique artistique en tant que tel, hein. Moi j'avais une pratique sociale et c'est vrai que quand le festival a eu lieu en début novembre 77, pour moi c'était un continent qui s'ouvrait. J'étais comme un gosse devant un magasin de bonbons, quoi. Il y avait des gens partout, il y avait des films partout, il y avait une énergie de folie, enfin c'était l'accueil que j'avais eu était symptomatique en fait, hein, de ce mélange déraisonnable de passion et de professionnalisme qui s'est révélé être le quotidien de ce que je vivais. Mais c'était très troublant pour moi d'avoir 22 ans et d'être le seul salarié de l'affaire et d'avoir une tâche qui était quand même beaucoup plus large que le festival. Bernard Reiss. Pour le festival, effectivement, j'ai mis les pieds des 77 à l'occasion du deuxième festival. J'ai mis les pieds dedans discrètement, dans des caisses, en faisant des contrôles, en salle. Ensuite, on m'a confié l'année d'après tout ce qui était le secteur comptabilité du festival. Mais ceci dit, ce n'était pas trop ce qui m'attirait dans le festival, c'était essentiellement le cinéma. Ça vient d'un milieu familial où on a été très jeune, imprégné du cinéma par ma mère, qui était une spectatrice très assidue, qui nous parlait beaucoup du cinéma des années 30 de l'après-guerre. Ma jeunesse a été baignée par les films de KPDP, les westerns, les péplums. Voilà, donc le cinéma, c'était le premier loisir dans les années 50-60. La télé, c'était pas trop encore couru. Et bon, bien sûr, tout ce qui était la vidéo, on ne connaissait pas. Je suis arrivé ici un peu par hasard. J'étais prof dans le secondaire dans une localité proche, à Briey. Oreste Sacchelli. Quand j'ai vu qu'il y avait un festival de cinéma italien, je suis venu pour voir des films. Et quand j'ai vu l'année d'après qu'il refaisait le festival, je suis venu frapper à la porte en disant « Si je viens avec un bus avec des élèves, est-ce que vous me faites une journée ?» C'est-à-dire pas uniquement le soir, mais... Alors ils m'ont regardé d'une façon un peu bizarre, puis ils m'ont dit « Bah oui, pourquoi pas ?» Et je suis donc venu avec un bus d'élèves. Et cette année-là, nous avons vu, excusez du peu, la journée particulière et l'argent de la vieille. J'ai encore des anciens élèves qui s'en souviennent, qui m'écrivent de temps en temps, ou que je rencontre ici au festival et qui se rappellent de cette sortie mémorable. J'ai réitéré l'année d'après, et du coup, les organisateurs m'ont dit « Mais pourquoi tu ne viens pas travailler avec nous ?» Alors Jean-Louis Sanzoni, alors est-ce que vous pouvez nous parler justement de vos débuts? Vous êtes le plus jeune. Alors moi, j'étais le plus jeune de la bande. En fait, il s'avère que j'étais au club photo de la Maison des Jeunes et de la culture de Villerue. Je suis passé projectionniste au sein du festival. Et il s'avère qu'à cette époque-là, on a projeté « Salaud, les 101 jours de Sodome » de Pasolini. Et moi, je me souviens, j'avais 15 ans. Le film était interdit à moins de 21 ans à l'époque. Et moi, j'étais le projectionniste du film, quoi. Et il fallait inverser ces fameuses bobines. Donc je faisais mon travail technique avant de préparation des bobines. Sauf qu'à chaque fois que je tombais sur les bobines, toujours, il y avait des images horribles. Comme la grande bouffe aussi de Ferreri, le cinéma de Ferreri. C'est là que j'ai découvert le cinéma italien. Il interroge des thèmes que le cinéma français ne fait pas. Il est beaucoup plus social, plus critique. Il est beaucoup plus politique que le cinéma français. Alfredo Bini presenta l'assurdo Totò, l'umano Totò, il matto Totò, il dolce Totò. Nella storia uccellacci ed uccellini, raccontata da Pierpaolo Pasolini, con l'innocente, col furbetto Davoli Ninetto. Et vous, surtout, c'était l'aspect plutôt technique, hein, donc vous étiez responsable de quoi, vous, dans ce festival? Moi, donc, à l'époque, donc, on n'avait pas de matériel 35 mm, donc il fallait aller louer le matériel. Donc ça, je suis chargé d'aller à Paris chercher le matériel, de monter les projecteurs dans les cabines. Donc, Daniel Brachetti. Bon, il y a eu aussi des anecdotes assez épiques, hein, par exemple, donc... On présentait un film de Nanni Moretti, hein, donc c'est un film assez hermétique, etc. Donc, et le projectionniste, à un moment donné, s'est trempé de bobine. Et personne n'a vu du feu. Il était tellement hermétique, et pas de suite logique. Hein, donc, dans ces cabines-là, donc, à un moment donné, ce même projectionniste avait mal accroché le film dans la bobine réceptrice. Ça fait que donc, le film s'amoncelait dans la cabine, à un moment donné. Et puis la tête, Ma io orecchiole non sono. Io se non ebbi contatti cannali con te è perché mi fai schifo, primo. E secondo, ebbene sì, è tempo che si sappia. Il faut voir aussi que quand il y avait des grosses comédies à l'italienne, en une soirée, on faisait 3-4 000 entrées, rien qu'avec un film. Donc les exploitants à l'époque, ils étaient contents du festival. E inoltre, mettete un figlio, maschio, bello come il sole. les distributeurs du cinéma italien, leurs films ne marchaient pas trop en France, un petit peu, à part les films de Ferreri, les films connus, tout ça, mais des films comme ça, ça correspondait pas trop à l'ambiance française, les grosses comédies, comme ça. Mimi Metallo, alors c'est pas ma tasse de thé au niveau du cinéma personnellement, je préfère Nanni Moretti, hein, c'est sûr, mais n'empêche que c'est un cinéma populaire qui était proche des gens, et la population de l'époque s'y retrouvait et était contente d'entendre parler italien. Oui, parce que tout le monde parlait pas italien. Non, non. On faisait sous-titrer les copies en français. Et c'est pas deux, trois copies, hein. C'est des fois, c'était une trentaine de copies dans le festival à faire sous-titrer. Donc, il y avait des accords avec l'Institut Loucet à Rome. On travaillait toujours, je me souviens plus son nom, avec le même sous-titreur qui faisait un travail extraordinaire en Italie. Et on a travaillé pendant de nombreuses années avec lui, et tout le monde s'y retrouvait. On commence à se constituer en ce qu'on appelle des chefs de département. On se voit tous les samedis et à partir de là, le festival va connaître un succès exponentiel jusqu'en 83, année de sa pause, mais je suppose qu'on y reviendra. 7000 la première année, 15000 spectateurs la seconde, 22000 la troisième et boum, ça monte jusqu'à 42000. Là, ça devient de la folie pure parce qu'on a des problèmes de logistique sur place énormes. Et moi, alors ce coup-ci, je me fais accompagner par des copains pour tout ce qui est Paris. Parce que quand même, il y a des films italiens qui sortaient en France, mais dans les grandes villes. Là, c'est moi qui négociais, qui mettais fait des relations, négociais en payant, hein, c'était des films payants. Et puis, il y a des films dont on avait entendu parler en Italie, qu'on allait voir soit au Festival de Venise, soit directement à Rome, à Cinecittà. Par exemple, Liliana Cavani était une réalisatrice tout à fait inconnue pour nous. Et il s'agissait à ce moment-là de convaincre les distributeurs italiens de nous passer le film. Ils nous disaient « Ma come, il n'est même pas sous-titré, qu'est-ce que vous voulez? Il est bon pour l'Italie, il n'est pas bon pour l'Europe et il n'est pas exportable. » Alors nous, on leur disait « Vous nous le filez gratuitement et nous, on vous le sous-titre. » Le troisième événement qui nous intéressait fortement, c'est commencer à avoir des invités. L'un de nous a pour fonction dans le festival de convaincre, voire d'arracher d'Italie des invités, comédiens ou cinéastes. Et c'est en 1977 qu'en même temps, Luigi Comencini et Ettore Scola viennent à Villerue. 700 personnes, un accueil délirant dès la seconde édition. Comme on a la chance d'avoir l'aéroport international de Luxembourg à 45 minutes du festival, ce qui est pas négligeable, hein. C'est fondamental, car de l'aéroport de Fiumicino à Rome, à Luxembourg et chez nous, en 3 heures, ils étaient chez nous. Et là, tout changeait. Car leur parler de Villerue, Villerue, Villerue, ma che cosa, Villerue, Villerue. À partir de là, toute une flopée de grands comédiens et de grands metteurs en scène, Dino Risi, etc., les frères Taviani, enfin un des frères Taviani, se pointe à Villerue, sauf Fellini, qui n'a jamais voulu. Comme premier boulot, c'était pas le plus détestable, on m'a dit, tu vas aller à Rome apporter les billets à Francesco Rosi. C'est quelque chose, quoi. J'avais l'adresse, j'ai sonné à la porte, une dame est venue m'ouvrir et je me suis retrouvé devant un tableau de Guttuso dans le couloir. Très impressionné, Francesco Rosi arrive, serre la main, il me fait monter dans son bureau qui était en terrasse, on voyait les toits de Rome. Alors pourquoi vous, peut-être parce que vous, alors Resta Kelly, vous parlez très bien italien. Bah, peut-être que, la différence oui, de certains de voilà, vos camarades. J'ai fait des études d'italien, j'ai terminé comme professeur des universités en italien justement. Donc cette pratique de l'italien permettait par exemple de commencer la première librairie, travailler avec un libraire local pour commander des livres traduits de l'italien, les mettre en exposition. Voilà, c'était des choses que je savais faire puisque j'avais, disons, une pratique de la culture italienne qui allait au-delà du cinéma. Tout doucement, je me suis professionnalisé. Philippe Maillet. Dans ce qu'est une organisation de festival, dans ce qu'est une diffusion culturelle, dans ce qu'est le contact avec les artistes. Imaginez à 23 ans d'être en contact avec Luigi Comencini ou Ettore Scola. Donc j'ai accompagné le développement et c'est vrai que comme j'ai assez les pieds sur terre, du coup j'ai aidé à donner une structure aussi à ce festival. Donc j'allais chercher des subventions, je réalisais des dossiers, j'amenais une brique et puis je reliais le festival à son environnement. Au début, c'était la ville, parce que le maire de l'époque, Armand Sacconi, et le président de la MJC de l'époque, Alfiero Bellardi, avaient conquis la ville face au patronat sidérurgique, c'est quand même pas rien. Donc c'était des personnages très très forts. Ils regardaient les jeunes, notamment ceux de la MJC, comme d'aimables gauchistes intellectuels, ayant une vie assez confortable. Et donc moi j'essayais de réinsérer cette énergie de la jeunesse dans la lecture, dans la vision que la ville avait de la culture. Donc c'était très amusant parce que j'étais dans ce bureau, je ne sais pas si vous le connaissez, du bureau du maire, qui est un bureau très stalinien, il y a 5 mètres de hauteur sur plafond, ça fait 50 mètres carrés. Et Armand Sacconi était un petit homme très vif comme ça, voilà, qui était très impressionnant. Et moi seul dans son bureau en train de défendre les projets de la MJC, qui est somme toute une association autonome, même si elle est très fortement financée par la ville. Donc c'était plutôt ça. Et puis peut-être aussi avec les autres adhérents de la MJC, il y avait beaucoup beaucoup de problèmes à l'époque. Le festival manipulait une notoriété et des financements qui le rendaient hégémonique. Puis un regard des autres activités plutôt négatif sur le festival. Il ne comprenait pas l'intérêt qu'il pouvait y avoir dans une MJC de petite ville comme ça à avoir ce type de locomotive. Et puis plus loin, au niveau du département, au début, au niveau de la région, au niveau de l'État, qui réfutait l'idée que le festival était un objet culturel. Qu'ils sont bien pondus. On ne verra jamais ça, ce sont des gars bien balancés. C'était surtout des cadres et des employés de l'usine et qui étaient dans la société musicale. Ça marchait bien. D'ailleurs, en 1927, ils ont monté... Soyez les bienvenus sidérurgistes, mineurs de fer ou de charbon, travailleuses et travailleurs et populations de Lorraine. Usineur, vivra! Radio Lorraine, cœur d'acier. Chaud, chaud, chaud, chômage, vol, vol! Chaud, chaud, chaud, chômage, vol, vol! La crise économique se fait donc connaître en 78. Les emplois sont supprimés par milliers et c'est là que nous décidons de faire un film. Je suis né dans un petit village des marches italiennes dans la région d'Ancône, au pied des Apennins. Que de fois je l'ai entendu cette phrase « Tu n'es pas chez toi ici ». Sous-entendu, tu n'es qu'un macaroni. C'est un film qu'on mettra 4 ans à écrire, avec une très grosse équipe de Villerue, toutes bénévoles. Ce film s'appelle « L'anniversaire de Thomas ». Et il est accompagné d'une autre équipe littéraire qui prépare un livre du même titre. Livre aujourd'hui épuisé qu'on ne peut plus retrouver. Donc c'est un gros travail de 4 ans qui raconte tout ce qui se passe depuis l'arrivée fin du 19e des premiers Italiens jusqu'à ces années que vous évoquez, 78, 79. On a voulu faire le chemin inverse. Autant nos parents sont venus en masse et toute la région se réapproprier leur identité à travers le cinéma, un cinéma qu'ils avaient perdu par la force des choses en venant en France. Autant nous, on a voulu faire le chemin inverse, c'est retrouver nos racines. C'était savoir qui nous étions. Et c'était en Italie qu'on savait qu'on aurait la réponse. Giro, giro tondo, com'è bello il mondo, c'è il sol che ci riscalda, ci sono tanti bambini, i fiori e gli uccellini, c'è l'acqua della fonte, il pane c'è per tutti, l'erba e tanti frutti, eppure c'è la nanna nel cuore della mamma. en 78, une grande partie de ces emplois avaient déjà disparu. D'ailleurs, certains Italiens qui étaient venus travailler ici, certains étaient déjà retournés au pays ou étaient allés travailler dans la vallée de l'Orne ou la vallée de la Fenche à Florange ou à Grande-Range, ou alors plus loin sur Dunkerque ou sur Foss. Et on a entamé à partir de là des démarches pour retrouver d'anciens sidérurgistes qui étaient retournés dans leur colline ensoleillée de Lombrie ou des Marches. On commençait à filmer les chutes d'usines, on commençait à filmer les événements sur Longwy. C'est un territoire fait de lutte ici, hein, le pays haut. C'est les traditions ouvrières qui ont fait que, à l'origine, il y a eu une forte implantation d'ouvriers italiens dans les mines, dans les usines. Bon, très rapidement, ils ont été accompagnés par des syndicalistes dès les années 1910. Et puis, en 48, en 51, sur les grèves des usines, les confrontations avec les CRS, l'occupation du fond de la mine. Voilà, donc, on est les fils. Je m'y jouais facilement parce que mon grand-père a vécu exactement ces mêmes éléments dans les années de l'entre-deux-guerres. Donc, on est les héritiers. Viens, petite sœur au blanc manteau. Viens, c'est la balade des copeaux. Viens petite girl in red blue jean, viens c'est la descente au fond de la mine. Viens donc grand shooter du désespoir, viens donc visiter des mélanes minoires. Viens donc chevaucher les grands rouleaux, et te coincer la tête dans un étau. Viens petite bourgeoise demoiselle, visiter la plage au devin d'elle. Ici pour trouver l'Eldorado, il faut une shooteuse ou un marteau. La vallée de la Fench, ma chérie, c'est le Colorado en plus petit. Y'a moins de chevaux et de condors, mais ça fait quand même autant de morts. Y'a belle femelle de métal. C'est vrai que nous, il y a un aspect politique qu'on revendiquait. Jean-Louis Sonzoni. On était des fils d'ouvriers. Si j'avais pas connu la maison des jeunes et de la culture, je pense que moi je serais devenu ingénieur dans un atelier ou chef de fabrication de quelque chose. Pour moi, ça a été une étincelle. C'est-à-dire, j'ai découvert ce que c'était le cinéma, le monde de la photographie, à tel point que ça en est devenu mon métier plus tard. Alors, quelle va être votre fonction exactement ? En fait, on m'a contacté parce qu'on m'a dit « Écoute, Jean-Louis, on a besoin de quelqu'un qui nous donne un coup de main pour être assistant caméra. » Donc, il y a Daniel Brachetti qui m'a expliqué, il m'a dit « Bah voilà, tu fais ça, là, il y a un objectif, il y a une caméra. » Et après, on a commencé à tourner, donc j'étais l'assistant de Daniel. Sauf que Daniel, au bout d'une semaine de tournage, il a été obligé d'arrêter. Et du coup, je me suis retrouvé et Jean-Paul m'a dit « Écoute, c'est toi qui vas faire l'image, quoi. » Sauf que moi, j'avais jamais fait un panoramique. Et dans le film, l'anniversaire de Thomas, il est le tout premier plan. Il est dans le film. C'est un panoramique en hiver, sur Villerue. Il faisait moins 20. La tête de ma caméra, il faisait tellement froid que l'huile à l'intérieur avait gelé. Donc je ne pouvais pas faire un bon mouvement. Mais le plan était magnifique parce qu'il y a une belle lumière et tout ça. Et donc du coup, on l'a laissé au montage. Et ce qu'on a fait mieux que ça, on a adapté la musique en fonction des à-coups de mon plan. Alors après, nous, on a commencé sans scénario, en reportage. On a tourné tout, on tournait des choses en Villerue, on a tourné les démolitions des usines, les cheminées qui tombent, c'est nous qui les avons tournées. On savait que ça c'est important, il faut qu'on garde des traces de ça, parce que c'est sûr que ça va être dans le film. Il faut montrer ce que c'est, à nous à notre époque, c'était montrer, regardez ce que c'est le capitalisme poussé à son exergue, c'est un terrain vague. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus, ils ont exploité une main-d'œuvre pas chère, et après quand c'était plus rentable, ils sont partis ailleurs, et ils ont laissé que des ruines. C'est un choix totalement cinématographique, c'est-à-dire allons au bout, comme dans un film où il y aurait une tuerie, si vous voulez, comme dans La Horde sauvage de Peckinpah. Il y a tuerie, ben très bien, on va au bout. On a mis 2 ans, chaque coup on s'était branché avec des entreprises de démolition, et c'est pour ça que vous avez comme ça une séquence complètement glaçante où tout explose de tous les côtés, sans musique, rien que des bruits d'explosion, une guerre. Et puis, il y a beaucoup d'archives aussi. Vous sollicitez beaucoup d'archives, en plus de témoignages de vos propres parents, hein. Pas uniquement, mais aussi. Une autre partie de l'équipe était chargée de l'archivage. Il fallait qu'on déniche absolument des vraies images de l'histoire, alors soit sous forme de photos, soit sous forme de films. Et à nous, après, d'en faire des narrations fictives. Au départ, j'avais dit qu'on partait en reportage, mais très vite, on s'est dit « mais c'est pas possible maintenant ». On peut pas être trop baigné aussi être que dans l'émotionnel, dans du ressenti, quand on fait un film. On a découvert quelque chose là. Et là, on s'est dit, on va commencer à fictionnaliser le réel. Je me souviens toujours, je ne sais plus qui c'est qui avait sorti ça à un moment donné, on va fictionner le réel. Alors, je trouvais ça très rigolo. Et puis, on a commencé à se dire, on va se poser, on va écrire un petit texte où, en une demi-page, on racontait ce qu'on allait faire. Après, on s'est tous réunis. Moi, je me souviens très, très bien. Je venais d'avoir 18 ans et je venais d'avoir mon permis de conduire. Et on est tous partis, tout un groupe. Il y avait donc Philippe Maillet, il y avait Jean-Paul Minichetti, il y avait Daniel Achilli, dont on n'a pas parlé, mais qui était co-auteur du film. Il y avait Bernard Reiss. On s'est retrouvés à la côté de Bruxelles. Et là, pendant 3 jours, là, on a tout écrit, on a fait le truc. Et ça a été incroyable parce qu'on a vu le film naître. Il y a des professionnels aussi qui sont venus nous aider. Techniquement, le son était bon. Et au mixage, qui c'est qu'on a eu comme mixeur ? Antoine Bonfanti, qui était le plus grand mixeur, enfin pour nous, qui était le mix. Il a mixé les films de Vecchiali, il a fait des films de Godard. C'était l'apôtre du son réel. Et il nous a dit, c'est super votre projet. On a été au studio Scope 4. C'était tout ce réseau comme ça militant, très lié au Parti communiste de l'époque aussi. Hein. En 82, le film anniversaire de Thomas sort. En 83, l'édition normale du festival sort. Et puis le gros questionnement est de savoir si on fait une édition 84. Alors là, on vote. Vous votiez chaque année, en fait ? Ah non, jamais. C'est l'année-là, spécialement en 83. Il y a plusieurs facteurs. Moi, je peux donner les miens. Premièrement, pour des raisons d'ordre strictement privé, je suis obligé de quitter Villerue. Deuxièmement, je suis personnellement crevé. Tout à coup, il y a comme un marathon, si vous voulez, un effet marathon qui fait que la personne s'écroule. J'étais devenu un zombie. J'en pouvais plus. Et enfin, c'est le quatrième motif qui a donné lieu à un vote. On n'a pas voté pour mes 3 raisons. Le motif qui a donné lieu à un vote est que, moi j'ai dit, on a pris le meilleur du cinéma italien, maintenant ça flotte. Il va y avoir une descente en gamme, et les gens maintenant, on leur a donné de telles habitudes, que si on leur offre des œuvres moyennes, ils vont s'en apercevoir, on tue le festival. Et le vote a été négatif, il a été décidé non pas d'annuler le festival, il a été décidé de le reporter. 83, avec les effets de la crise du cinéma italien au niveau de la production qui commençait à se faire sentir. Hein, la télévision italienne, les nouveaux accords, etc., remettaient en cause toute la production cinématographique italienne. Il y avait en même temps aussi, faut pas l'oublier, le contexte historique 1970-1980, les années de plomb. Et ça, en France, on le subit avec retard. Et alors, cette image de 83, c'est l'affiche du festival de 1983. L'affiche reprenait une séquence de la Marcore de Fellini. On voit le bateau sur la mer. Et les gens qui font des signes, alors bien sûr, ils ne bougent pas, mais ils avaient des petits drapeaux du festival du film italien. Enfin, voilà. Et ce n'était pas prémédité. On n'en était pas encore arrivé à la décision qu'en 84, on ne fait pas. Mais le public avait cru comprendre, à travers cette affiche, qu'on allait arrêter le festival. J'ai pas la certitude, bien sûr, d'avoir eu une bonne compréhension de ce qui se passait à l'époque, mais moi, ce que j'en ai retiré, c'était la question de l'autonomie. Faut-il une structure de gestion autonome pour le festival, ou peut-il, ou doit-il rester géré dans un ensemble plus vaste qu'est l'association d'éducation populaire MJC. En 82, l'équipe sent une certaine forme d'épuisement de la formule du festival telle qu'elle était mise en place à partir de 76. Il y a une part des initiateurs qui pensent que la création d'images doit rester centrale et une autre part qui pense qu'au contraire, elle fait venir des financements du plus grand nombre vers le plus petit nombre et qu'à ce titre, elle n'est pas due. Et pour moi, c'est clairement les innovateurs, les inventeurs qui perdent. Au bénéfice des gestionnaires, le festival marche bien, il y a 40 000 entrées, il faut surtout rien toucher. Le festival de 83, évidemment on s'est tous retrouvés au moment de le faire, mais quand il s'agissait de le préparer, on se retrouvait à très peu. On n'a plus de films, il n'y a plus de monde pour travailler à la préparation. Parce que bon, maintenant c'est facile, on a les ordinateurs, les téléphones portables, etc., etc. À l'époque, écrire un résumé, ça signifiait le taper à la machine, prendre des lettres à 7, enfin bon, il y avait du travail manuel, vraiment. Et donc on a dit, stop, on arrête. Et il a fallu 2 ans pour que Bernard Reiss monte une nouvelle équipe au sein de la Maison des Jeunes et de la Culture. Je reçois un coup de téléphone début septembre qui me dit « Oreste, on repart, est-ce que tu reviens ?»« Ben oui, je reviens. » Et voilà, on est reparti avec une nouvelle équipe et avec un nouveau cinéma. Alors pour certains, le festival n'aurait pas dû redémarrer parce que c'était une histoire close et qui s'était achevée avec l'anniversaire de Thomas. Le but du festival était de permettre la production cinématographique. Et du coup, le fait de recommencer le festival semblait être, pour certains, disons, un peu du réchauffé, quoi. Nous, nous avons pensé que non. Et donc, nous avons relancé la machine. Alors, ça a été un peu difficile. Tous les autres amis avaient démissionné. Avec Antoine Compagnon et quelques autres, nous avons dit, on ne va pas arrêter. Et on va même donner un tour plus important à la manifestation. C'est là que nous avons commencé à augmenter le nombre de films que nous présentions, à solliciter davantage d'invités, et que nous avons commencé des contacts institutionnels avec la région, les départements, etc., pour demander un soutien financier que nous jugions normal eu égard au nombre de spectateurs qui augmentait chaque année. Et nous avons donc pu reprendre, le festival, l'agrandir. Bref, nous avançons. Come te può capire chi t'amo bene, si tu le parlami è z'americano, quando sa fa l'amore sotto la luna, come te bene in cape di I love you, papà l'americano. Merci à Daniel Brachetti, Philippe Maillet, Jean-Paul Menichetti, Bernard Reiss, Oreste Sakelli, Jean-Louis Sonzoni et René Tozello. Merci également à Antoine Compagnon et Sophie Gaulier. Archivina, Aurélie Marsay. Prise de son, Yann Fressy et Jacques Hubert. Mixage, Éric Boisset. Une émigration au miroir des écrans, le Festival du cinéma italien de Villerue. Un documentaire de Séverine Liattard et Séverine Cassard. Voilà pour ce documentaire. Demain, nous continuons notre semaine consacrée au cinéma italien et plutôt au cinéma italo-américain puisque c'est un cinéaste passionné par le cinéma italien, Martin Scorsese, qui sera au cœur de notre émission de demain avec l'exposition qui lui est consacrée à la Cinémathèque française à Paris.